Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Julia Culcien. Bonjour Julien. On est dans le podcast 2030 Glorieuse et je te souhaite la bienvenue. C'est un podcast dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par une organisation lyonnaise qui s'appelle la NEF. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels que tu connais, puisque on avait fait un lancement. On a eu la chance de les accueillir. Dernier bouquin, là-bas, effectivement, ici à Raconte-moi la Terre, puisque nous sommes ici à Raconte-moi la Terre dans une librairie café à Lyon, pas très loin de la place Bellecour. Tu nous accueilles aujourd'hui pour nous présenter ton métier de libraire engagé. J'ai hâte que tu m'en dises plus et plus largement, évidemment, nous allons discuter d'écologie, de voyage. Est-ce que le voyage peut être encore durable? Ça, c'est une question que j'ai envie de te poser. Et de la place de la culture, de l'éducation dans nos vies et forcément en 2030 glorieuse. Julia, la première question est la question que je pose à tout le monde. Ça y est, on a le droit de ressortir dans le monde, de rencontrer de nouvelles personnes. Tu as une soirée et quelqu'un qui te rencontre te pose la question. Et toi, Julia, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu lui réponds? Oh là là, alors c'est dur à résumer en deux mots parce que j'ai l'impression de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est passionnant. Je ne m'ennuie pas. Je travaille à la librairie, bien sûr. Alors moi, je ne suis pas libraire de formation, en fait. Je suis arrivée là un peu par hasard. Je viens du monde du livre, de l'édition, de la traduction. Même à la base, je suis traductrice. Et puis, le hasard a fait que je me suis retrouvée ici il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, ici, je m'occupe de beaucoup de choses, mais je ne suis pas tellement en magasin. On dit que je suis la responsable fonctionnelle des lieux. On a donc deux librairies, une à Lyon, une à Bron. Il y a en tout une quinzaine de personnes, donc ça commence à faire une petite équipe. Et je m'occupe de faire vivre le lieu, en fait. Mon objectif, c'est vraiment, raconte-moi la terre, c'est voilà, une librairie, des cafés, une salle de conférence, un festival aussi qui est du départ, qui est un peu l'extension de la librairie. Et moi, je suis vraiment sur les deux projets, avec François, qui est donc le fondateur, François Chazel, qui a fondé les librairies il y a déjà 23 ans. Et le festival, on va fêter la 10e année. Donc voilà, moi je suis plus sur comment faire vivre le concept de Raconte-moi la Terre, comment faire que ce soit un lieu vivant, un lieu de rencontre. Voilà, on essaye de tisser des partenariats avec des associations, avec d'autres lieux, d'organiser des journées thématiques, de faire des conférences, des signatures. Voilà, c'est toutes ces choses au final que je m'occupe au quotidien. On parlera tout à l'heure effectivement de la manière qu'a la librairie de se connecter, de s'interconnecter à travers tout un tas d'événements dont tu as commencé à parler, avec aussi tout un tas d'acteurs. Moi, j'ai hâte aussi d'entendre à travers l'exemple de Raconte-moi la Terre comment ces librairies, elles reprennent leur rôle de cœur battant de cette société engagée, connectée, dépendante aussi et pour le mieux. Et ça, on va en reparler très largement. Mais avant ça, tu dis qu'effectivement, tu n'as pas forcément une formation de libraire, que tu es rentré dans le milieu, on va dire, des livres, des feuilles, je ne sais pas comment le dire. J'ai juste baigné dans les livres depuis que je suis toute petite. J'ai une maman conteuse, bibliothécaire qui anime des ateliers d'écriture. Pour moi, le livre, il a toujours été central dans ma vie. Et c'est pour ça que je me suis lancée. J'ai fait des études de langue, de traduction, parce que j'étais passionnée par la question de comment, voilà, comment on fait passer quoi, d'une langue à l'autre. Et puis, j'ai monté une petite maison d'édition associative. Et puis, tout ça, voilà, ça a pris de l'ampleur. Ça ne nous faisait pas vivre. Hein. C'était plutôt une aventure pour apprendre, en fait, pour apprendre à faire. C'était complètement autodidacte. Mais ça m'a permis, en fait, de bien comprendre ce que c'est que la chaîne du livre. Et puis, de réaliser des projets. C'était un peu fou, parce que c'était que des projets, en fait, qui nous bottaient, quoi. C'est que des livres qu'on avait envie de traduire, des auteurs qu'on avait envie de faire découvrir à notre public français. Et puis, des rencontres, des passerelles, faire venir les auteurs dans des festivals, etc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai atterri ici, en fait. C'est en présentant, à l'occasion d'un spectacle avec une conteuse, Mercedes Alfonso, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est conteuse ici cubaine, mais qui vit à Lyon, et qui avait interprété des contes de José Martí qu'on avait traduit, un grand écrivain et homme politique engagé cubain. Et puis voilà, je me suis retrouvée ici à Raconte-moi la Terre, à parler de ma maison d'édition et à ce qu'on faisait. Et puis, en passant dans la librairie, je croise François et puis je lui dis, est-ce que par hasard, tu cherches... Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis je suis arrivée assez rapidement derrière. Et... C'est particulier parce que le livre, il est dans la vie à peu près de toutes les personnes en France, de tous les Français, de toutes les Françaises. Même s'il y a des personnes qui, je pense, ouvrent très peu de livres dans l'année, mais l'objet livre, il existe de plein de manières différentes. C'est quelque chose de très répandu. Et à la fois, on ne sait pas vraiment comment fonctionne une librairie, comment fonctionne l'industrie du livre, son économie. On a un peu de... Moi, qui suis rentré là ces dernières années, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que moi, je l'ai vu en étant traductrice et puis éditrice, où on organisait régulièrement des rencontres, on allait dans les librairies pour faire parler de notre métier, etc. Et je découvrais un peu avec étonnement combien, en fait, les gens étaient curieux et connaissaient très mal, en fait, les rouages de comment ça se passe et comment un projet naît, les droits d'auteur, la traduction, la diffusion, la distribution, tout ça. C'est vrai que c'est assez complexe, en fait, la chaîne du livre. Et c'est pas très connu, c'est vrai. On n'imagine pas non plus le nombre de livres qui sortent chaque année. Oh, c'est monumental, hein, qui est monumental. Et là, pour la petite histoire, j'arrive dans la librairie Raconte-moi la Terre et je te vois toi. Et avec du coup en la question de pousser il faut qu'on les pousse murs parce ouais. qu'on n'a pas suffisamment de place, c'est parce vrai. Qu'on reçoit de plus en plus de recommandations, de livres qui nous intéressent aussi. Et en fait, bah, le turnover, il est trop difficile à gérer parce que dans les librairies, il y a un turnover qui est fou avec parfois ouais, des livres qui restent c'est quelques ça. Jours. Quelques semaines à peine. C'est à peu près 700 livres par rentrée littéraire. Nouveauté, hein, j'entends, pas sortie poche, etc. Mais en fait, c'est énorme, quoi. Parce que ben, le travail de librairie, c'est aussi de libraire, c'est aussi travailler un fond. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des livres qui sortent qui sont forcément meilleurs que ceux qui sont déjà sortis. Et on a un vrai travail à faire sur, accorder de la place dans nos rayons, dans nos bibliothèques, à des ouvrages qui, pour nous, sont indispensables et sont constitutifs d'un fonds de référence, quoi. Et voilà, bon, c'était un peu particulier. C'est vrai que je disais pousser les murs, parce qu'en fait, on a créé à Lyon donc, ce grand rayon dédié à la transition. Et pour le coup, c'est un peu un challenge, mais c'est vrai qu'on veut vraiment être un lieu de référence sur le sujet. Et là, il y a un gros travail. Ça fait un an qu'on a lancé le rayon. Il y a quand même 13 meubles bibliothèques dans notre librairie de Lyon. Donc, c'est un gros rayon. Mais c'est vrai que là, il y a tout un travail qu'on fait de référencement, etc. Et c'est passionnant. Enfin, c'est des sujets qui sont essentiels aujourd'hui, enfin, dont on ne peut pas faire l'impasse. Et donc, il y a un gros travail de référencement. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sont actifs sur ces domaines-là, et tant mieux. Mais du coup, faut pousser les murs, quoi. Parce que le livre, c'est pas quelque chose d'éphémère. Il peut avoir un caractère presque intemporel qui traverse au moins les années. Même si de plus en plus de livres viennent avec des faits, des chiffres, des choses très très concrètes. Mais en fait, c'est rarement daté un livre, hein. Non, et puis d'ailleurs, il traverse le temps de façon parfois assez étonnante. Je pense à Thoreau, le grand philosophe naturaliste. Mais quand on lit aujourd'hui Walden ou La vie dans les bois, en fait, c'est complètement vertigineux parce qu'on a l'impression qu'il aurait pu l'écrire là, aujourd'hui. Donc oui, il y a ces livres-là qu'il faut absolument accompagner, en fait, et qui doivent toucher un public aujourd'hui Justement parce qu'ils ont été écrits il y a 100, 150 ans et qu'en fait, ils sont complètement actuels. Et qu'en plus, le livre, c'est un prétexte à la rencontre. Et c'est pour ça que tu le disais, vous, raconte-moi la Terre, c'est aussi un lieu où il y a du passage, qui permet des partenariats, qui permet de participer à des événements. Parce que le livre, il est là pour créer du lien. Exactement. En fait, c'est le prétexte quoi, à la rencontre. Déjà, je pense que la librairie, en tant que lieu physique, se doit d'être un lieu de rencontre, un lieu de vie. Je pense que c'est ce qui fait la force des librairies indépendantes aujourd'hui, c'est que c'est devenu vraiment des lieux centrales, en fait, dans les quartiers. Elles ont petit à petit remplacé, d'ailleurs, les grosses librairies indépendantes qu'on connaissait il y a quelques années, même à Lyon. Et il y a un maillage aujourd'hui, alors je parle de Lyon, mais dans beaucoup de villes, beaucoup de grandes villes et dans beaucoup de campagnes aussi, où il y a des librairies qui ont émergé et qui ont un rôle social hyper fort, en fait. De lieux d'ancrage, de lieux d'échange, de partage, un peu comme les bibliothèques, les médiathèques. Des lieux où on n'est pas obligé d'acheter en plus pour bénéficier d'un échange, pour rencontrer un auteur, pour échanger. On n'est jamais obligé d'acheter un bouquin quand on vient à une conférence ou à une rencontre. Et puis, alors nous, on a la chance déjà d'avoir une grande librairie, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'on a, là, à Lyon, c'est très, très grand. On a une salle de conférence, ça aussi, c'est assez exceptionnel, où on peut accueillir 50 personnes en même temps. Donc ça nous permet aussi d'organiser des choses plus facilement. Et puis, on a des cafés, donc c'est déjà en soi un lieu où, voilà, de brassage, les gens viennent chez nous, se posent, viennent bouquiner. Là, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait revenu, mais avant la crise, il y avait des gens qui venaient travailler. On était un petit peu une espèce d'espace de coworking, mais moi, je trouve ça super, quoi. Alors, il y a 23 ans, c'était un concept super novateur. Je pense qu'aujourd'hui, on en voit plus des lieux comme ça, c'est un petit peu plus répandu. Mais c'est sûr qu'à l'origine, quand François a créé les librairies, le concept de librairie-café, c'était assez novateur. Et ouais, je pense que ça répond à un besoin, en fait, de se retrouver. D'échanger. Et puis, c'est le contact avec le libraire, quoi. C'est tout l'inverse d'Amazon. Parce que là, quand on vient, il y a du vivant, quoi. Enfin, on échange, on parle des lectures qu'on a aimées. Il y a des coups de cœur sur les bouquins. Enfin, c'est incarné, et quoi. On passe la porte et tout de suite, il y a une personne qui est à la caisse qui nous dit bonjour, qui nous accueille avec un sourire. On sent on essaye en tout cas d'être le plus accueillant possible. Alors, on est un peu comme tout le monde. On est de plus en plus pris aussi par des tâches administrative, il y a beaucoup maintenant de choses qui se font derrière nos ordinateurs, des fois on nous le reproche. Hein. Là, il y a une enquête justement qui a été menée auprès des clients et des clientes des quelques 150 librairies qui appartiennent au grand réseau des librairies de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que les gens disent à la fois, ils sont complètement attachés aux librairies indépendantes et ils continuent de venir parce que justement, il y a de l'humain, il y a du conseil. Mais ils soulignent assez régulièrement que on est nous aussi de plus en plus pris par nos machines, quoi. Y a beaucoup de tâches. C'est un métier très, très physique aussi. Il y a beaucoup de manutention. On passe beaucoup de commandes. On traite beaucoup de cas particuliers qui font qu'on est malheureusement des fois un petit peu pris. Mais on essaye vraiment, dans la mesure du possible, d'être vraiment présent et d'être là pour accompagner les gens quand ils le souhaitent. Et avec ça, vous avez, malgré toutes ces activités, le temps de lire des livres et de faire des recommandations personnalisées qu'on voit avec des petites cartes de couleur, effectivement, qui montrent les coups de cœur de la librairie. Ah oui, alors ça, quand on est libraire, on apprend à lire beaucoup. Céline, je crois qu'elle me disait, là, qui est responsable chez nous, là, dans notre librairie de Lyon, de tout le rayon littérature et aussi de la transition, donc c'est juste énorme. Elle, je pense qu'elle lit entre 10 et 15 livres par semaine, quoi. Ah ouais, la vache. En fait, on est obligé pour se tenir à la page. Bah, et en sûr. Même temps, c'est complètement, enfin, c'est passionnant. Mmh. C'est passionnant. Alors, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'intuition, l'impression, j'ai compris que la librairie, quand elle est née, elle portait ce nom de Raconte-moi la Terre, parce qu'il y avait cette envie de raconter cette terre différente, ces cultures différentes, et donc de pousser à aller l'explorer, cette terre. J'ai l'impression que c'était vraiment cette librairie du voyage. Et quand on rentre, de toute manière, c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit, c'est des livres de voyage, c'est des cartes, presque même des produits qui peuvent nous aider à voyager et agrémenter notre aventure à venir. C'était le projet de départ de François, effectivement, qui avait beaucoup voyagé dans sa vie d'avant, qui avait lui non plus, et pas libraire du tout de formation. Mais il a eu la chance de voyager beaucoup, d'aller dans des grandes villes, de découvrir des lieux comme ça un peu un peu insolite et il s'est dit, voilà, moi j'ai vraiment envie de créer un lieu qui permette en fait l'ouverture sur le monde. C'était vraiment ça le point de départ, en disant finalement que c'est que le jour peut-être où on se connaîtra vraiment bien, où on connaîtra vraiment bien nos voisins, proches ou lointains, qu'on apprendra à vivre ensemble, quoi. C'était un peu... peut-être un peu une utopie, je sais pas, mais oui, qu'à travers la littérature aussi, c'était, on voulait pas être, enfin, je pense pas qu'à la base son projet du tout c'était d'être juste un lieu où on venait acheter une carte et ou un guide pour préparer son voyage. Alors bien sûr, on en a et c'est important parce qu'on est, on se définit à la base comme une librairie de voyage, mais le prétexte tout de suite ça a été d'inviter les gens à découvrir, à se projeter dans d'autres cultures à travers la littérature, à travers les auteurs, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment... Donc, on a une des offres, je pense, sur Lyon la plus exhaustive en termes de littérature étrangère. C'est vraiment ce qui fait aussi le cœur de... D'ailleurs, c'est ce qu'on vend le plus, hein, de la littérature. Et c'est vraiment... oui, je pense que c'est important à travers les livres. Peut-être qu'on touche un peu du doigt la complexité du monde aussi, quoi. Parce que, ben voilà, on prend le temps, en fait. Un livre, c'est ça aussi. C'est, on est pris par la main par l'auteur. Et puis, pendant 50, 100, 200, 300, 1000 pages, on est embarqué. Et puis, c'est aussi le pouvoir fabuleux des livres de nous transporter. Là, on l'a vu pendant le confinement. C'était juste génial. Il y avait plein de gens qui venaient nous demander, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, quoi? Et ils repartaient avec une pile de bouquins. Et puis, on les revoyait 2-3 semaines après. Ils étaient trop contents parce qu'en fait, ils s'étaient échappés, quoi. Ouais, on l'oublie souvent, mais l'un des voyages les plus écologiques, c'est d'ouvrir un livre. Ah, en mais fait, c'est... Hein. Et puis, ouais. C'est puissant. Enfin, vraiment, quand on a un peu l'habitude de lire et qu'on se laisse porter comme ça, on part très, très loin. On a aussi un rayon important, puis qui a notre image, qui est notre rayon récit de voyage. Mmh. Et là aussi, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir et qui ont fait le plein de récits de voyage parce qu'en fait, c'était une façon de voyager par procuration. Et c'est, ça aussi, c'est assez fabuleux. Absolument. Et je ne sais pas si, du coup, il avait déjà eu cette intuition du fait que « Raconte-moi la Terre », ça voulait aussi dire « Raconte-moi la Terre bah, ». Cette et Terre, oui, c'est notre... La vraie notre, Terre, celle qui colle au bot. Notre vaisseau, notre planète, notre maison. Je ne sais pas s'il avait cette intuition, mais toujours est-il que, comme tu le dis, là, ces dernières années, les étagères sur ce sujet, elles sont presque chaque mois plus nombreuses. Je pense que c'était dans l'ADN quand même au départ, parce que même moi, je ne suis pas là depuis le début, mais ça fait quand même pratiquement 10 ans que je suis ici. On a toujours eu des livres sur la nature, des guides pour observer les oiseaux, les arbres, etc. On a toujours eu des essais aussi pour essayer de comprendre. Mais c'est vrai que c'était un peu plus dispatché, quoi, finalement. Et là, ouais, en fait, il y a un moment donné, ça s'est apparu comme une évidence, quoi. Et comment vous faites pour que ça ne soit pas contradictoire? Comment vous faites pour faire en sorte que ce voyage y puisse avoir du sens avec ce respect de la planète? Les deux... Parce que pour moi, ça va ensemble, en fait. Moi qui ai aussi eu la chance de voyager pas mal, je pense que quand on découvre les beautés du monde à travers certains voyages, quand on est allé se promener une fois dans sa vie sur la falaise de Bandiagara au Mali, ou quand on est allé dans la cordillère des Andes et qu'on a été submergé par la beauté, je pense qu'on peut que être un défenseur et un ami de la Terre, quoi. On peut pas consciemment... voilà, balancer ses mégots, ouvrir la porte de sa bagnole et puis vider sa poubelle. Enfin, ça va pas, quoi. On est transpercé. Moi, j'ai l'impression que mes plus beaux souvenirs de voyage sont tous liés à des moments comme ça d'ivresse, en fait, face à la beauté du monde. On est dans la librairie de Raconte-moi la Terre. Il y a tout un tas de bruits bizarres. Tout va bien. Ça, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'alarme incendie. Non, ça va. Ça va pour le moment. Et du coup, la dernière question que j'avais avant que tu nous offres ton cadeau. Tu es venu avec un livre que je vois en face sur la table. Et bien sûr, encore mieux, avant qu'on parte en 2030 glorieuse, j'avais aussi envie que tu me racontes ce voyage que vous avez entrepris de porter de plus en plus ces sujets écologiques, éco-citoyen, comment ça se traduit? Tu l'as expliqué déjà un petit peu avec de plus en plus de livres, recherches, une compréhension des catalogues qui sont de plus en plus vastes, mais ça ne s'arrête pas que aux livres. Non, alors ça ne s'arrête pas qu'au livre. Le livre, c'est un peu le point de départ, c'est un peu l'ADN de la librairie, puisqu'on est dans une librairie, mais c'est surtout le prétexte à des rencontres. Voilà, tu as été témoin lorsqu'on a fait cette table ronde autour de justement le pouvoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut agir? Parce que voilà, j'ai l'impression qu'en fait, de permettre la rencontre et de permettre les échanges, notamment quand on organise aussi nos journées thématiques, là, l'idée, c'est de prendre un sujet et puis de tourner autour. Donc, on en a fait plusieurs sur l'écologie. Là, on va en faire une sur les femmes en action. On va en faire une sur l'alimentation. Enfin voilà, c'est, pour moi, c'est des sujets complètement cruciaux, centraux. Et l'idée de ces journées, c'est un peu comme un mini-festival. C'est un peu l'influence finalement que j'ai eue d'avoir organisé le festival. Donc c'est 50 événements sur plusieurs jours. Mais de me dire, finalement, je peux peut-être réussir à bâtir sur une journée un mini-festival et créer l'effervescence que moi j'aime tant en fait sur ces événements qui rassemblent beaucoup de monde et beaucoup d'acteurs. C'est de dire, bah voilà, on va faire une expo, on va faire un atelier le matin, parce que moi j'aime bien aussi que les gens mettent la main à la pâte, un atelier carnet, un atelier peinture, un atelier écriture, un atelier photo, j'ai n'importe quoi. Et puis après, de convier des auteurs, et comme ça, tout au fil de la journée, d'inviter les gens en fait à rester avec nous quoi, toute la journée. Et on se rend compte, d'ailleurs, ça a plutôt bien marché quand on l'a fait. Alors, on n'a pas pu en faire énormément, malheureusement, parce qu'avec le Covid et tout ce qui s'est passé, bon, il y a eu beaucoup de phases d'interruption, mais quand on a pu tenir ces journées, on en a fait une sur la montagne, une sur raconter son voyage, etc., on s'est rendu compte que les gens, en fait, de permettre ça, en fait, ce temps long, on est toujours un peu à courir partout. Oui, on va à une soirée, mais hop, on saute dans le métro, puis quand c'est fini, on repart. Là, j'avais envie que les gens prennent le temps, en fait. Donc, je le vois, hein, les gens, au début, ne se connaissent pas, le matin, quand ils arrivent, et puis à midi, ils boivent un café ensemble, et puis le soir, et voilà, ils s'échangent leurs numéros, et ça, c'est super de permettre ça. Et puis de travailler, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler aussi en synergie avec d'autres, quoi. C'est-à-dire, c'est bien, on a plein d'idées, on connaît plein de gens, mais en fait, quand on s'associe avec l'autre association du coin de la rue, eh ben, on est plus fort, quoi. Moi, je l'ai vu, là, par exemple, sur le WooFest, là, le week-end dernier, un super événement organisé à l'occasion des 50 ans du mouvement Woofing en France. Eh ben, en fait, c'est les organisateurs qui sont venus nous chercher en disant, bah voilà, raconte-moi la Terre, votre rayon transition, ça fait sens, on a besoin d'une librairie, venez. Et puis, en fait, en discutant, bah voilà, les idées ont fusé. Moi, j'aurais parlé de Rudy Chiquier, on a un super éditeur. Bah, finalement, ils ont été associés à la programmation. Enfin, on se retrouve vite à faire de la coprogrammation. Et le résultat, eh ben, c'est voilà, de l'énergie mise en commun, en fait. Absolument. Et dans le fonctionnement aussi hein, de la librairie, il y a des choses que vous avez commencé à transformer. Tu parlais du café. Je sais qu'il y a de nombreux produits bio équitables qui sont mis en avant, mais pas que. Hein. Je crois que la librairie, elle s'est aussi de plus en plus questionnée ouais, sur son fonctionnement. On essaye, en tout cas, c'est sûr. Alors, c'est difficile pour les cafés parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a malheureusement, c'est ce qui a été le plus long à redémarrer. Quoi. Autant les librairies, puis on a été beaucoup soutenus, on a beaucoup parlé de nous pendant la crise, etc. On a vraiment senti voilà, qu'on était entourés, que les gens... voilà, c'était presque un peu militant, quoi, mais on nous envoyait des petits mots, les gens sont sortis coûte que coûte. Donc les librairies, on va dire qu'on est vraiment passé à travers la tempête sans trop de casse. Les cafés, c'est plus difficile. Il y a vraiment une résistance. Donc on s'ajuste, on tâtonne un peu aussi pour proposer l'offre voilà, qui corresponde, etc. Mais on se remet en question pas mal. Mais on essaye, oui, de travailler en circuit court. Voilà, d'avoir une offre de thé bio, de boissons locales. On essaye. Alors, on n'est pas parfait. Hein. La restauration, c'est difficile. Je trouve que c'est un point pour moi qui n'est pas évident. Hein. Je dis une bêtise ou vous accueillez aussi la Gonette, la monnaie alors, locale ouais, bah, c'est marrant Lyon, que hein, tu en parles parce qu'aujourd'hui, on lance officiellement la Gonette numérique dans les Raconte-moi la Terre et on est super contents. Ça faisait un petit moment qu'on était adhérents, mais on acceptait pour le moment que la Gonette papier. On a compris qu'il y avait une vraie demande sur la Gonette numérique. Oui, ça aussi, ça fait sens. Enfin, on essaye d'être cohérent aussi avec. Bientôt Enercop. Alors, moi, à titre personnel, Enercop, déjà, oui, il faudrait voir sur des contrats entreprises. Je pense qu'ils sont tout à fait capables aussi de nous accompagner. Après, c'est parfois des questions de coûts. Bon, voilà, il faut quand même faire des comparatifs. Mais c'est en tout cas, oui, c'est la direction qu'on prend, ouais, d'essayer d'être un maximum en adéquation avec ce qu'on défend. Ouais, absolument. Ouais, je vous invite à aller le voir en vrai parce qu'on aura beau en parler pendant des heures et des heures. En fait, le meilleur moyen de comprendre ce dont on parle, c'est de rentrer dans la librairie Raconte-moi la Terre et vous allez tout de suite sentir ce qu'on essaie de mettre en avant. Moi, en tout cas, à chaque fois que je passe le pas de la porte, je me dis, mais oui, bien sûr. Un peu comme si, d'un côté, on était à la maison, d'un autre, où on sent que la montre de notre téléphone ou ouais, celle qu'on porte au poignet est en train de s'arrêter un peu et qu'on la regarde moins ou qu'elle devient moins importante. L'avantage, c'est que les téléphones ne passent pas trop. Donc, en plus, les gens sont un peu, par la force des choses, coupés quand ils viennent chez nous. Et ils sont déjà un peu projetés dans une bulle. Oui, oui, je pense que c'est un lieu où on peut un peu appuyer sur pause et ça fait du bien. Souvent, on nous le dit, quoi, et que les gens rentrent, mais ils ne savent pas trop quand est-ce qu'ils vont ressortir. Et parfois, on les voit un long moment dans la salle, voilà, à boire un thé, à feuilleter un livre. C'est agréable. Ouais, et ben nous, on va bientôt appuyer sur Avance Rapide, Julia, parce qu'on va partir en 2030 glorieuse. Mais avant ça, tu as un livre dans les mains. C'est le cadeau que tu nous fais aujourd'hui. À chaque fois, moi, je suis persuadé que dans justement nos étagères, dans les étagères des librairies, il y a tout un tas de fenêtres vers ces mondes de demain dont on parle de plus en plus, mais qu'on a du mal à imaginer, à conceptualiser. Et le fait d'ouvrir ces fenêtres, de leur donner une épaisseur, une couleur, c'est hyper important, à mon sens, pour les faire advenir le plus vite possible. Donc, tu vas nous lire ce petit alors, passage. Je vous ai choisi un livre très récent là, qui vient juste de sortir, qui a été publié chez Actes Sud. C'est un roman, hein, tu m'avais demandé un roman. Et donc, l'auteur, c'est Corinne Royer. Elle est originaire, elle n'est pas très loin, elle vit dans le Pila. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Pleine Terre, qui part, en fait, qui raconte un fait divers. Un petit paysan qui a été malmené, harcelé par l'administration. Et qui malheureusement... Non, je ne vais pas vous raconter la fin. Je vais vous lire par contre la lettre qu'il écrit. En fait, c'est le livre nous raconte sa cavale de 9 jours. Et c'est un petit paysan qui se bat pour défendre sa vision de l'agriculture, son amour des bêtes, son amour de la terre. Et il est en cavale parce qu'en fait, les choses se sont mal enchaînées pour lui. Et il le raconte très bien dans cette lettre qui remet au journal local dans l'espoir qu'elle soit publiée. C'est une histoire vraie et c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors j'étais obligée de faire des coups parce qu'elle était un peu longue, mais je pense que vous allez me suivre. À mes frères de terre. Je m'appelle Jacques Bonhomme, mais je ne suis pas l'insurgé qu'on présente dans les journaux. Je n'ai insulté ni blessé personne. Je n'ai porté atteinte à aucun honneur, à aucune vie. Je ne suis coupable d'aucun autre crime que celui de vouloir vivre en paix, la sainte et foutue paix à laquelle chaque homme aspire et devrait pouvoir accéder sans obstacle. Aujourd'hui, je voudrais que mes prières s'élèvent comme une espérance dans la fraîcheur sombre où je me tiens, caché, traqué, coupable d'un forfait que je ne parviens pas à nommer. Quelle est ma faute? Comment s'appelle-t-elle? Un manquement? Une omission? Une négligence? 100 fois, je me suis posé cette question. Et jamais je ne suis parvenue à y répondre, parce qu'aucun de ces termes ne peut entraîner la mise au ban d'un homme, ne peut justifier qu'on lui soustrait sa dignité. On m'a demandé de prouver la filiation de mes veaux par des tests génétiques que je ne pouvais pas financer. On a bloqué mon troupeau et ainsi, interdit de tout commerce, je n'ai plus eu les moyens de nourrir mes bêtes. On m'a alors condamnée pour mauvaise gestion d'un cheptel, puis on est venu chez moi, fouler mes propres terres, effrayer mes bovins, au point de les contraindre à se jeter dans la rivière. On m'a envoyé des hommes en armes, comme si j'étais dangereux. On a finalement prétendu que j'avais perdu la raison parce que je suis montée sur mon tracteur pour dire qu'on ne pouvait plus me harceler de la sorte, que je refusais désormais qu'on me prenne ce qui m'a été transmis par mes ancêtres et que j'ai fait fructifier à la sueur de mon front. Je cherche ma faute. Je sais qu'elle doit bien exister quelque part, ne serait-ce que dans le fait d'être un paysan, à l'heure où on ne veut plus de paysans, mais des chefs d'exploitation, plus de petites fermes, mais de l'élevage intensif, plus d'entités familiales autonomes, mais des entreprises tributaires des banques, de l'État et de l'Europe, des coopératives, des groupes industriels et de la grande distribution. Il faut que le système tourne. Et je porte la faute d'être un grain de sable dans les rouages de ce système. Mais nous sommes encore des milliers de grains de sable. Nous sommes encore assez nombreux pour enrayer le mécanisme. Levons-nous, restons debout, refusons de nous rendre complices d'un modèle qui entasse les bêtes vivantes comme des bêtes mortes, flanc contre flanc, échine contre échine, qui les écorne, les écute, use de manipulations génétiques pour en faire des monstres difformes au prétexte de rentabilité et d'exploits de la science, qui leur interdit de connaître l'ivresse des prairies et l'immensité du ciel. Refusons de planter dans nos champs des semences frelatées et d'y déverser le feu d'un poison qui sarcle désormais jusqu'à l'os la terre racornie. Notre planète est comme moi, comme nous tous. Elle est fatiguée. Les mots sont nos armes. Rompons ce silence qui nous enterre vivants. Faisons entendre notre voix. Et armons-nous encore d'autre chose que de patience, car l'attentisme, nous le savons à présent, ne nous réussit pas. Armons-nous de semences renouvelables, d'engrais naturels, de naissances sans insémination. Et même s'il ne s'agit que d'un espoir fou, peut-être nous préservera-t-il de l'abîme où l'on veut nous précipiter. Au moment où j'écris ces mots, ma solitude est mon unique compagne et je me sens pourtant entourée de vous tous, les gens de la terre. Peut-être est-ce simplement parce que le soleil est haut dans le ciel et qu'avant d'être des paysans, nous sommes des hommes ? Je défaille presque en y songeant et c'est un élan fraternel qui me submerge. Je vous aime comme des frères. Jacques Bonhomme, mai 2017. Julia, de cette lecture. J'ai presque envie de ne pas donner la suite. Non, hein? C'est ça, en fait. Voilà. Je pense que vraiment, il faut lire. C'est très fort, c'est très beau. Je pense que c'est important d'écouter tous ces petits paysans aujourd'hui parce que je pense que c'est eux qui ont la clé du monde de demain. En tout cas, enfin, je suis persuadée que l'alimentation est un des points centraux de la transition. Je vous invite aussi à lire un essai incroyable qui vient de sortir chez Rue de l'Échiquier qui s'appelle Cytopia de Caroline Steele, qui est une auteure britannique. C'est passionnant et voilà, son postulat, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'alimentation, c'est le levier principal pour amorcer un nouveau modèle. Bah oui, puisque tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est notre occasion de nous rendre compte de notre connexion, de notre interdépendance au vivant et de reprendre cette juste place et de le valoriser aussi à sa juste valeur en arrêtant de le voir comme un coût, mais au contraire, en le voyant comme quelque chose qui a de la valeur. On est en 2030 glorieuse, ça y est, on y est, tu nous as fait une transition extraordinaire. C'est pas évident, Julia, parce que du coup, même si toi, tu y es peut-être un peu plus habitué que la moyenne des Français, on va faire travailler notre imagination. On va essayer de se projeter dans une société où on aura réussi. On a réussi. A réussi à quoi ? Ça, c'est à nous de le décider ensemble au fur et à mesure de notre conversation. Mais voilà, on va parler de ces 2030 glorieuses, durables, engagées, solidaires. Tu y mets les adjectifs que tu veux. Et on parlera et on commence à parler au présent de ces 2030 glorieuses-là pour que toutes les personnes qui nous écoutent se disent « Mais waouh, incroyable, je les vois, je les sens presque, je peux presque les toucher. » Et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu regardes, je sais pas, à travers la fenêtre, que tu passes le pas de ta porte, à quoi elles ressemblent concrètement ces 2030 glorieuses ? Ben déjà, depuis qu'on est en 2030, ce que j'aime, c'est entendre les oiseaux, quoi. Parce qu'il y a encore quelques années, quand je regardais par ma fenêtre, ouais, de temps en temps, j'avais la chance de croiser une petite mésange, mais là, c'est ça y est, quoi. Voilà, la nature, elle est là, même en ville. Enfin, je veux dire, on lui a laissé sa place. On a arrêté d'essayer de la contraindre, de la faire tenir dans des boîtes et dans des pots de fleurs. Ça y est, quoi. D'ailleurs, c'est super. Elle a regagné les trottoirs, elle a regagné les berges. On a arrêté de vouloir brûler le moins de bout d'herbe qui s'échappait. Et c'est important parce qu'on a besoin d'être connecté à elle, quoi. Donc, on a réaccepter le côté un peu chaotique de la nature ? Ouais, je pense qu'on a accepté que c'était la plus forte et que c'était elle qui donnait la danse, en fait. Ouais, et qui nous donnait le tempo. Et en parlant de tempo, moi, tout à l'heure, je parlais de cœur battant, mais les librairies, elles sont vraiment là avec ce tempo, avec ce sang qu'elles font couler dans les veines de la ville. C'est vraiment des lieux de rencontre. Ce sont des lieux où on vient s'inspirer, se former, s'éduquer. Tu peux nous raconter un peu cette place centrale qu'ont les librairies en 2030 glorieuses ? Ouais, ben je pense que la librairie, ce qu'elle permet, c'est vraiment l'échange des idées, quoi. Et que le plus important aujourd'hui, c'est dans un monde où, voilà, on n'est pas toujours à l'écoute des uns et des autres, quoi. La librairie, elle permet d'avoir accès à ce savoir, quoi, et au partage de savoir. Et là, on y est, quoi. Les jeunes, par exemple, là, maintenant, ils rentrent dans les librairies, quoi. Avant, des fois, ils passaient devant, ils regardaient un peu d'un coin de l'œil, tout ça. Ils venaient acheter un manga. Mais là, maintenant, c'est bon, quoi. Ils se sont appropriés ces récits aussi, ces nouveaux récits. Ils ont fait le pas, quoi, les enfants, les plus grands. Ceux qui n'osaient pas encore. Je pense que, le déclic, quoi, de se dire que finalement, les livres, ils sont accessibles à tous. Alors après, on ne va pas tous faire les mêmes choses. Il y a des gens qui viennent et qui vont plutôt aller vers de la BD, plutôt, mais il n'y a aucun sous-genre ou mauvais genre. Il y a des livres de SF qui font le job complètement, quoi, qui nous transportent, qui nous... C'est une question de d'émotion, de ressenti, en fait. Il y a deux choses que j'ai envie de creuser dans ce que tu dis. La première, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, on nous promettait ou on associait trop souvent l'écologie à la décroissance et au fait de ralentir tout un tas de choses, et notamment notre économie. Et en fait, en ayant à nouveau remis l'échange de savoir au cœur de notre économie, on se rend compte qu'on a de nouvelles croissances. Et cette croissance-là, elle se ressent dans les librairies qui sont plus nombreuses, qui fonctionnent bien, qui embauchent des salariés. Parce que, en fait, cette croissance, elle peut exister au niveau économique quand ça fait partie, voilà, de cet échange de savoir qui, lui, n'impacte pas de manière aussi désastreuse et quand même, ça a du sens. Qu'il y a après, un impact positif. L'économie du livre, elle a aussi dû se repenser parce que là, il y a quelques années encore, il y avait beaucoup de gaspillage, beaucoup de gâchis. Il y a beaucoup de gros groupes qui, d'ailleurs, se sont bien cassés la figure, et tant mieux, parce que finalement, c'était là aussi, on était dans le règne de la consommation, de la surproduction. Et ce qu'avait initié Rue de l'Échiquier et d'autres éditeurs, le groupe des éditeurs écolo-compatibles, et ben voilà, ça nous a amené aujourd'hui à mieux penser aussi ce qu'on publiait, pourquoi on publiait, comment le publier, à quel rythme, avec quelles encres, avec quel papier, etc. C'est, oui, le livre, il a aussi une responsabilité. On ne pouvait pas continuer comme ça à pilonner les bouquins, à sortir plus de 1500 bouquins, 1500 nouveautés par an, sachant que tout n'était pas à garder, quoi. Donc c'est ça aussi, et notre rôle en tant que libraire, c'est faire des choix. Voilà, on ne peut pas tout avoir et ce n'est pas le but, on ne veut pas tout avoir. Et il y a eu aussi du coup un réancrage territorial justement de la production des livres. Et tu nous partageais tout à l'heure le fait que tu aies créé toi-même ta propre maison d'édition. On revient à de plus en plus de créations de maisons d'édition locales qui fait que, en fait, on est toujours curieux de passer le pas de la porte d'une librairie parce qu'on sait qu'on y trouvera sans doute des livres qu'on ne trouvera pas dans d'autres librairies. Il y a cette spécificité qui se redéploie plus, hein, en 2030 Glorieuse. Oui, c'est l'inverse de la franchise. C'est chaque librairie a son identité propre, vraiment. Alors, identité propre parce qu'elle est aussi liée aux personnes qui travaillent, en fait, qui font des choix. Chaque libraire porte en lui des lectures, des livres et les défend. Et un libraire, Céline, elle n'a pas les mêmes goûts que Julie, qui n'a pas les mêmes goûts que Mathieu, etc. Et c'est ça aussi qui fait la force d'une librairie. Et puis, voilà, je citerai tous mes collègues libraires à Lyon et ailleurs. Et chaque librairie a vraiment une identité propre. Ça se sent. Et je pense que du coup, on aime sa librairie aussi parce qu'on est attaché à ses libraires et aux choix qui y sont faits, en fait. Et ce que tu me dis, justement, va totalement dans le sens de ma seconde question ou la seconde perche que je voulais te tendre, qui était de dire que 10 ans en arrière, en fait, on était souvent alimenté par les réseaux sociaux à creuser, à continuer à aller dans le sens du savoir, des intérêts qu'on avait déjà. On se crée un peu nos bulles de contact, nos bulles d'actualité, d'information, et on venait de plus en plus séparés les uns des autres parce qu'on était... malheureusement parfois trop poussé dans nos convictions, alors que la librairie, au contraire, elle a repris ce rôle de créer du dissensus, de former les gens et de leur tendre des perches vers d'autres savoirs, d'autres manières de penser, et elle a aidé à nouveau les personnes à redévelopper leur esprit critique. Ça, c'était quelque chose de central, hein. Oui, je pense que tu as raison. Et puis d'être un peu bousculé. C'est vrai que parfois on aime bien donner un petit coup de coude et puis dire vous devriez essayer ça. Et même on fait, alors c'est plus sur la littérature, mais par exemple on fait les livres mystères. Alors nous on aime bien, à côté de la caisse, on emballe des bouquins dans du papier journal, et puis voilà quoi, du coup l'idée c'est de se laisser porter, quoi. Et c'est parce que justement, je suis d'accord avec toi, on a un peu tendance à toujours aller vers ce qu'on connaît parce que ça rassure aussi, parce qu'on a les codes. Quand on a toujours lu de la BD, c'est pas toujours évident d'ouvrir un roman. Ou si on a toujours lu des romans, c'est pas toujours évident d'aller ouvrir un essai. Ou quand on a jamais cuisiné, c'est pas toujours évident d'aller acheter un bouquin, de repartir avec un bouquin de cuisine. Bon, l'idée, c'est ça. C'est vrai que quand on est... Déjà, l'avantage, c'est qu'on n'est pas derrière un écran, quoi. Les livres, on les voit, ils sont là, on peut les toucher. C'est aussi un rapport physique, quoi, avec le papier, avec... Alors en plus, là, maintenant, avec les super papiers recyclés, les encres, etc., il y a des choses, ça a vachement évolué. Avant, c'était tous les bouquins étaient forcément pelliculés. Ça se justifiait pas du tout. Là-dessus, bon, c'est bien, on a quand même fait du chemin, quoi. Ça fait plaisir. Et pour continuer dans cette conversation, il y a aussi eu la compréhension de plus en plus forte par les adultes notamment, que en fait, c'est pas parce qu'on avait quitté les bancs d'école qu'on devait arrêter d'apprendre. Et cet apprentissage s'est fait forcément par de plus en plus de formations longues ou courtes, des MOOC, etc., etc. C'est sûr que le digital a beaucoup aidé hein, à permettre à chacun, à chacune de reprendre une formation, pourquoi pas à distance, avec des agendas de plus en plus compliqués. Et à la fois, on s'est aussi rendu compte de l'intérêt du livre pour explorer des sujets qui sont quand même éminemment complexes. On remet notre terre, le vivant au cœur de tout, mais donc du coup ça veut dire qu'il faut repartir à sa rencontre, il faut comprendre sa complexité, et ça se fait notamment à travers les livres. Ouais, moi je pense que vraiment il y a des livres qui qui permettent ça en fait, et pareil je le vois avec le public enfant ou adolescent, c'est hyper important. Mettez des bouquins entre les mains de vos enfants tout petits, même les bébés. Je veux dire, il se passe quelque chose, forcément. Et si vous avez, vous parlez de la nature, si vous racontez à vos enfants des histoires de grands espaces, forcément, l'enfant, il sera curieux, quoi. Il va grandir avec ça. Mais pas que ça, les sujets de société aussi. Enfin, parce que la transition, elle est à tous les niveaux. C'est pas qu'une transition écologique. Pour moi, elle va de pair avec une transition sociétale. Et là aussi, il y a vraiment beaucoup d'auteurs et d'éditeurs qui nous ont offert, parce que c'est des cadeaux, quoi, des livres qui vraiment, pour moi, peuvent faire la différence, quoi, sèment des graines, en fait. C'est une possibilité. Grâce aux livres, on peut vraiment lutter contre des injustices. Et la programmation de la librairie, en l'occurrence, c'est beaucoup aligné avec ce dont tu es en train de parler. S'il y a le mois de l'alimentation, alors il va y avoir des ateliers pour apprendre à cuisiner ses restes alimentaires, ses épluchures, etc. Mais aussi des collectes d'aliments pour les plus défavorisés. Si c'est le mois de la reconnexion à la nature, il va y avoir des associations qui vont venir pour échanger des graines, des semences. Il y a la librairie qui accepte aussi de faire rentrer hein, tout cet échange de savoir, de bonnes pratiques, et ces associations qui, elles, peuvent aussi permettre de propager ce savoir. Ouais, je pense que c'est l'idée de tisser, en fait. Je vois bien ça comme des aiguilles à tricoter, et puis un long ruban. Et puis, je pense qu'on n'y arrive que si on va vers les uns vers les autres, et que nos publics se mélangent, et puis que finalement la personne qui va être intéressée par ça, mais peut-être qu'en fait elle peut aller plus loin, et puis peut-être que on le fait tous les printemps autour du jardin, par exemple. Effectivement, on va peut-être commencer en se disant je vais planter un parterre de fleurs, et puis finalement on va se rendre compte que même sur mon balcon je peux peut-être mettre un lombricompost, et puis etc. Et puis en fait c'est vertueux, quoi. Mais ça, c'est possible parce qu'on se rencontre et qu'on est là, vivant, ensemble, quoi. Moi, j'y crois beaucoup. On ne vit pas la même chose derrière nos ordinateurs ou à distance, quoi. Et puis le livre, c'était déjà, il y a 10 ans en arrière, le symbole de cette manière d'échanger autrement, de faire société autrement, de pourquoi pas pouvoir aussi explorer d'autres manières d'accéder à un bien. Un livre, ça se met dans une boîte à livres. Exactement, ça se donne, ça se prête. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi cette belle incarnation du livre, de la société de demain et de l'économie de demain aussi. Et on peut penser, on a réfléchi là-dessus, comment réintroduire du livre de seconde main, etc. Moi vraiment, c'est quelque chose que je trouve insupportable, quoi, de pilonner des bouquins, parce que ça coûte moins cher de le pilonner que de le retirer, quoi. C'est aberrant. Ça, c'était avant. Heureusement qu'on en est revenu, mais je veux dire, ça s'est fait pendant des années. Mais à un moment donné, il faut que les gens prennent conscience. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, j'ai beaucoup agi, été dans les écoles. On a eu la chance d'avoir des programmes aussi, hein, qui ont amené les jeunes dans les librairies et tout ça. Et de parler justement de cette chaîne du livre et de faire prendre conscience. Un livre, c'est du papier. Le papier, c'est des arbres. Enfin, voilà, soyons soucieux, soyons dans l'économie. Et le but, c'est pas... Mais en même temps, le livre, c'est un savoir. C'est des clés pour avancer, c'est des clés pour comprendre. Donc oui, on a besoin, pour moi, on a besoin de ces livres, on a besoin, mais il faut que ce soit dans une espèce de circuit comme ça, où les livres trop vieux, on en refait de la pâte à papier, et puis on refabrique des livres neufs, mais il faut que les idées, elles continuent de se diffuser, quoi. Et c'est de plus en plus commun de trouver des livres d'occasion dans une librairie, en fait, juste à côté de leur grand frère neuf. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a toujours des bouquins, même s'ils ont été publiés, sortis il y a 20 ans, ils sont toujours aussi intéressants et toujours aussi pertinents. et nécessaire. J'espère tellement qu'on dira ça dans mes bouquins. Mais oui. Julia, qu'est-ce que toi tu fais en 2030 glorieuse? Ah, moi j'essaie de passer du temps, le plus en plus de temps dehors, quoi. Ouais, de me reconnecter. Parce que ça fait tellement de bien. Enfin, moi, ça me vide la tête. J'ai l'impression que mes journées sont toujours bien remplies. Alors, du coup, j'adore le week-end, là, quand je peux m'échapper avec mes filles, mon chéri. On va marcher dans la forêt et voilà, on ramasse les champignons. Moi, c'est vraiment les petits plaisirs, quoi. Et même si j'ai une âme de voyageuse, je me rends compte que, ouais, finalement, le plus important, c'est cette connexion à la nature, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui me remplit, quoi. Aux vivants, aux petites bêtes. Est-ce que la librairie, ça a été aussi le lieu où on a reconsidéré sa relation au travail? On arrive à travailler 4, 3 jours par semaine dans une librairie? On arrive à repenser cette manière de, ouais, d'être ouais, alors, ça dépend pour qui, parce que les libraires, ils sont un peu obligés d'être physiquement présents ici. Puis on travaille beaucoup en dehors, mais c'est beaucoup de lecture. En fait, on a un métier où on a le temps où on est présent ici, mais c'est pas le temps où on lit. Et puis on a le temps où on n'est pas présent physiquement, mais c'est le temps où on lit. Donc en fait, on travaille tout le temps, mais c'est passionnant. Mais oui, puis on a fait un gros travail pour essayer de penser autrement, de penser à plusieurs, d'être moins dans la verticalité, mais plus dans l'horizontalité, d'être plus attentif aux uns et aux autres, au fonctionnement des uns et au fonctionnement des autres, pour que chacun ait sa place, en fait, chacun puisse apporter ses idées, puisse faire évoluer le projet. Enfin, voilà, il n'y a pas un chef et puis des subalternes. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose... Je pense que dès le départ, on a essayé de sortir un peu de ces schémas de management traditionnel, etc., parce que ça ne nous ressemblait pas. Après, ce n'est pas évident, le collectif, ce n'est pas simple, mais en tout cas, c'est super riche, quoi, et que chacun vraiment ait sa place. Justement, quand on parle de chacun qui a sa place, qui aura sa place dans ces 2030 glorieuses, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur suggérerais comme pas supplémentaire pour arriver à cheminer vers ces utopies qui ne sont pas si irréalistes et irréalisables que ça? Je pense qu'il faut se défaire de ses peurs, en fait. Je pense que notre plus gros frein, c'est nos peurs. Parce que du coup, ça nous inhibe énormément. Et c'est une étape normale, c'est une étape par laquelle je pense qu'on doit tous passer, en fait. Et ensuite, il faut se ressaisir et ensuite, il faut y aller, quoi. Et concrètement, concrètement, quel est ton conseil? Je sais pas, je me dis que pour moi, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites tous les jours. Mais pour moi, le plus important, c'est la cohérence. C'est-à-dire essayer de prendre un tout petit peu de recul sur ce qu'on fait et se dire, OK, pourquoi je fais ça? D'interroger un peu, en fait, ses actes et de se dire, OK, on peut pas être parfait sur tout, mais on peut agir sur plein de choses, en fait, quoi. Et c'est à notre portée. Et puis, on peut en parler. Et puis, on peut... Moi, j'aime beaucoup ça, les réseaux, et de se passer le mot et de se dire, mais putain, tu connais ça? Tu devrais aller voir, c'est intéressant. Et sans être dans l'injonction, sans être... on n'est pas là pour donner des leçons, etc. Mais par contre, c'est hyper enrichissant et hyper stimulant. Et en fait, on se sent bien, quoi, quand petit à petit, on essaye de faire des choses et d'être de plus en plus en adéquation avec ce dont on rêve, en fait. Et pour réussir à faire des librairies le moteur des 2030 glorieuses, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu demanderais aux personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour nous aider à faire advenir ces 2030 glorieuses où la librairie a un rôle clé? Ben, déjà, de continuer d'être dans le partage. C'est-à-dire que nous, on a beau être libraire et lire énormément, moi, je suis toujours hyper à l'écoute et hyper intéressée. Et je trouve ça génial quand les gens viennent nous voir et nous disent « Ah, est-ce que vous connaissez ça? Moi, j'ai lu ce bouquin. » Ou alors, j'étais à telle conférence, j'ai entendu. Et vous devriez aller voir. Et c'est super parce que c'est comme ça aussi qu'on bâtit les choses, quoi. C'est en échangeant. C'est pas nous qui avons le savoir et puis les gens qui viennent pour... non, pas du tout. Au contraire. Il y a tellement de choses. Et il y a plein de choses à côté desquelles on passe aussi. Donc, c'est surtout ça, je pense. C'est continuer de venir, proposer des choses. Nous, on est tout le temps sollicités par des associations. La salle de conférence, on la prête, en fait, à plein d'associations ou d'indépendants qui ont des projets qui, pour nous, font sens. Il y a quelqu'un là qui va venir faire un atelier poésie, moi je trouve ça génial. Voilà, parce que on rend possible ça, quoi, et que les gens nous choisissent pour tenir cet atelier, par exemple. Moi je trouve ça chouette, quoi. Je me dis ils pourraient le faire ailleurs, ils le font chez nous et après de là c'est des rencontres, c'est toujours pareil, c'est essayer de tisser cette grande toile, quoi, qui fera que ensemble on va aller dans la bonne direction, quoi. Merci Julia. Merci à toi Julia. Ça y est, cet épisode avec Julia Cultien vient de se terminer. Qu'est-ce que je crois, moi, que les librairies ont un rôle déjà central à notre époque, mais elles auront un rôle encore plus central en 2030 glorieuse. Et vraiment, je remercie Julia pour cet échange qui nous a donné à voir à quel point les librairies, elles avaient tout un tas de leviers à activer pour permettre de nous... détacher un peu de cette urgence permanente, de nous permettre de nous remettre dans le temps présent pour aussi oser accueillir la complexité des enjeux auxquels nous sommes confrontés et donc de nous former, d'échanger, de discuter, de nous confronter à d'autres opinions. Et puis, forcément, la librairie, c'est un lieu qui peut accueillir d'autres initiatives, des associations, des porteurs de projets, où il y a tout un tas de choses qui s'y passent. C'est vraiment pour moi l'écœur battant des villes en 2030 glorieuses. Et c'est aussi un métier quand même qui est assez unique, très engageant. Je crois que Julia nous l'a bien fait comprendre, mais qui est aussi un métier passion. J'espère que, franchement, on aura beaucoup plus de libraires en 2030 glorieuses. Je vous dis en tout cas avec beaucoup de plaisir à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de 2030 glorieuse et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!